Even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn off the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give still you all. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. Right back up in your motherfucking ass. 9-5 plus 4 pennies. Add that shit up. D.R.E. Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh-wee. Put it in the air. Boy, use a full DR. Still Dre, ce fut en 1999 la sublime prescription du docteur, accompagnée du Snoop Dogg. Encore et toujours du docteur Dre, tout un style. C'est vous le tambour de ville ? Oui, monsieur. Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui docteur ou non docteur ? Oui, docteur. Et quand vous avez l'occasion de parler de moi au dehors, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, le docteur a fait, j'y attache de l'importance. Certes, réjouissons-nous de la visite du fabuleux docteur Knock, mais à 11h11, il est temps de te vautrer confortablement afin que nous amorcions ensemble les modestes péripéties laïques de ce 188e épisode du Manchin Palace. Et ce matin, au cœur de notre petite session freudienne, Monsieur Divan Beaujelet, le fiefé sacripant de nos coursives, s'est intéressé au récent frémissement de la rose et du poing. En effet, ces derniers jours ont été imprégnés d'un revival des fondamentaux socialistes. Primo, dénoncer la réelle injustice de notre système éducatif, puis encourager le vote des étrangers aux élections locales, et enfin, se trouver un énième candidat pour s'installer à l'Élysée. Allez, voici l'infratexte de quelques propos politiques de la semaine. Tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Voisin. Cette histoire est tirée de faits réels. L'invité de France Inter ce matin est eurodéputé socialiste. Bonjour Vincent Payon. Bonjour Nicolas Demorand. Oh mon Dieu, où elle est ? Non, t'inquiète pas. Non, c'est Ségolène Royal qui s'invite au bal. Je suis comme ça, moi. C'est vous, hein, l'homme qui tente d'organiser le rapprochement PS, Modem, Vert, Communiste, nouvelle étape à Nanterre sur l'éducation. Tu n'as pas idée des vacheries que la vie peut te réserver. D'ailleurs, vous savez, les destins scolaires sont inscrits très tôt parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont inscrits dans les territoires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, parlons des vrais sujets pour les Français, la grande bagarre des parents, et vous êtes tous parents, c'est d'abord une bagarre de territoire. C'est où je scolarise mon enfant. Alors, je veux dire, ça n'a pas été de la tarte, croyez-le. Et si cette question se pose, croyez bien, c'est qu'il y a quelques injustices. Vous n'êtes pas traité pareil dans tel collège que dans tel collège. Vous n'êtes pas avec les mêmes populations. Vous n'avez pas les mêmes dotations. On ne vous offre pas les mêmes options. Il n'y a pas les mêmes réussites au bac. Et on ne vous met même pas le même corps enseignant. Et voilà, fin de la leçon. Martine Aubry présentait ses vœux à la presse ce matin. À cette occasion, la première secrétaire du Parti Socialiste a ressorti un très vieux projet, cher au PS. Eh ben bravo, t'as pigé. La première secrétaire du PS a annoncé que son groupe venait de déposer à l'Assemblée une proposition de loi visant à accorder le droit de vote aux étrangers lors des élections locales. Et ça coule de source. Annonce qui, à 2 mois des régionales, a évidemment été perçue comme un défi à la majorité. Je ne comprends pas, monsieur. Même si Nicolas Sarkozy, Zoltan, lors de la campagne présidentielle de 2007, s'était dit pour, tout comme Éric Besson dans son dernier livre. Ça a un peu dérapé et... Eh bien, à l'UMP et au Nouveau Centre, on reste majoritairement contre. Je l'ai deviné toute seule. François Hollande ne cache pas ses ambitions. L'ex numéro 1 du PS veut conquérir l'Élysée. Qu'est-ce que tu racontes ? Je dis, je me prépare. Allez, jeune loup, mon gros loup là ! Rencontres démocratiques que vont être les primaires. Et alors, explique-toi. Je n'en dis pas plus, je n'en dis pas moins. Ça m'en vient, ça peut être quel dé ? Parce que j'ai été premier secrétaire pendant plus de 10 ans. Parce que j'ai une expérience. J'ai pas de poils sous les bras. Ça me rend aérodynamique quand je combats. Parce que j'ai... L'œil du tigre, mec. Des idées à proposer si je ne me préparais pas je ne remplirai pas ma fonction politique, qui est celle de faire gagner la gauche en 2012. Oh, j'adore les histoires merveilleuses. Et ce que j'ai à faire, c'est de me mettre sur les sujets que je considère essentiels, qui peuvent intéresser non seulement les socialistes, mais les Français, pour montrer que je suis la porteur d'un projet pour mon pays. Tu vas carrément les assommer, ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Les obsèques d'un homme politique qui aura marqué son temps, c'était aux Invalides cet après-midi. L'hommage, le dernier hommage à Philippe Séguin. Au premier rang, Jacques Chirac est en pleurs. François Fillon retient des larmes que Nicolas Sarkozy essuie, lui, sur le visage de sa femme. Il y a l'hommage religieux, puis celui des enfants, puis l'éloge du président de la République, qui loue un homme qui n'a jamais choisi la politique pour ses apparats, mais pour servir la France. Et voilà, man, y a rien. Fini. Oui, Philippe Séguin n'est plus. Et alors que Louis XV fut enterré de nuit par crainte des avanies, tant il était devenu impopulaire, le président de la Cour des comptes, lui, a eu le droit à une légitime reconnaissance républicaine pour ses obsèques. Les plus hauts dignitaires de l'État, ceux du présent comme ceux du passé, sont tous venus lui rendre un dernier hommage et l'émotion était à son comble lorsque son cercueil a quitté la cour d'honneur des Invalides lundi dernier. Mais ce ne fut que le début du voyage. Car bien sûr, quelques heures plus tard, Saint-Pierre attendait Philippe Séguin dans le hall du Paradis Palace. Cependant, le dernier baron du gaullisme social n'a pas immédiatement compris, figure-toi, ce qu'il était en train de vivre. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe là ? Oh putain, je suis mort ! Oh non ! Ah bravo, ah bravo, ah bravo, ah voilà, ah le temps. Putain, mais prévenez les mecs, prévenez! Ça qu'à servir alors, voilà, on se sert comme ça! Non. Non, c'est pas possible, j'ai un mot du médecin, je supporte pas la mort. Non. Si, Philippe, tu es mort désormais et sois le bienvenu dans la maison du Père éternel, ajouta Saint-Pierre. Monsieur Séguin tenta alors de lui expliquer qu'il n'avait pas fini son boulot en bas, qu'il avait accumulé un tas de dossiers à la Cour des comptes pour plomber la seconde partie du quinquennat de Monsieur Sarkozy. Mais en son absence, il était à peu près certain que ses affaires allaient être enterrées. Fissa, il en va de la survie de la République, s'insurgea Philippe. D'une placidité céleste, Saint-Pierre tenta de calmer l'esprit de Séguin, notamment en lui expliquant qu'il aurait ici, au paradis, une place de choix et que franchement, il vivrait dorénavant dans le plaisir le plus complet dont voici l'emploi du temps. L'élite qui séjourne au palace dîne tard. À 22 heures, nos hôtes de marque en sont à leur premier bloody mail. On ne brise jamais la queue du homard avant minuit, ce qui nous met le sorbet de mangue vers 0h30. Une verveine, une chartreuse, il est 1h du matin. Tour au nightclub pour se dénouer les guiboles et nouer des relations amoureuses. C'est vers 6 heures que notre belle clientèle regagne sa chambre. On baise environ 3/4 d'heure, ce qui produit, surtout si la comtesse Tigallini est là, une quantité de décibels bien supérieure au vôtre. Un verre de lait et tout le monde s'endort. Il est 8 heures du matin. Philippe Séguin fut tout d'abord surpris, voire choqué. Puis, très vite, ses vieux réflexes de président de la Cour des comptes ont refait surface. Et bien sûr, il a demandé à Saint-Pierre avec quelle thune ils assuraient ce train de vie-là. Le bras droit de l'éternel dodelina de la tête avant d'offrir à Séguin un recueil de poèmes célestes, un cadeau de bienvenue. Mais là, le légendaire esprit républicain de Philippe Séguin fut froissé et il tenta de s'expliquer avec Saint-Pierre. Eh, dites-moi, je viens de lire la table des matières, là. Eh, mais... Eh, nostalgie maréchale, Jeanne d'Arc est pure, laissons-les vivre. Mais c'est plus un recueil de poèmes, ça, c'est un programme. Et puis pas mon préféré, hein, j'aime autant vous le dire. C'est pas un programme, ah ça bon jaillit tout seul, du fond de mon âme, comme ça, tout seul. Ah ouais. Et ça jaillit tout seul aussi. Non mais attention, vous avez vu ce que vous venez de faire? Ouais, hein? Ouais, non, j'ai pas bien vu parce que c'était très spontané. Tiens, ça, là, tu préfères ça? Ah non, mais je vais vous faire un procès. Ah bah alors, si, carrément. Oui, Saint-Pierre a pris cher, car il avait oublié que sur Terre, ses gains pouvaient parfois s'emporter violemment, avec une certaine spontanéité. Quand soudain, l'archange Gabriel débarque, puisqu'a priori, un vieux pensionnaire lui posait de gros soucis. On a un grave problème avec De Gaulle. Ah bon ? Il est souffrant ? Il est pas souffrant ! Non, il est con ! Pardon ? Il est con, il est chiant. Il nous a demandé des crayons de papier HB, des crayons gras pour souligner, des gommes, des équerres, des rapporteurs, des rames de papier. Il nous a flingué la photocopieuse. Écoutez, il se tient mal à table, il mange salement, et puis il sent des pieds. Philippe Séguin fut à nouveau outré qu'on puisse traiter ainsi le général. Mais qu'est-ce que c'est que cette tôle, grogna Séguin ? C'est Vichy l'ambiance ici ou quoi ? Et il exigea sur le champ qu'on le conduise à la chambre de son mentor politique. Tant qu'à être au paradis, Séguin voulait profiter de ce plaisir immense de fréquenter le général. Mais avant même de le saluer, De Gaulle avait une question urgente à lui poser. « Philippe, avez-vous ramené des clopes, nom de Dieu ?»« Eh ben non, répondit Séguin tout contrit. Vous savez, mon général, même sur Terre, on n'a plus le droit de fumer. » De Gaulle était consterné et son idée de la France avait bien changé. « C'est une génération qui fume plus. Hein. Une génération de diététiciens, de juges, d'écolos. Font chier cette génération. » C'est ainsi que depuis bientôt une semaine, sans cigarette, Philippe Séguin et Charles de Gaulle bavardent au paradis. Le premier informe le second que le gouvernement en France ne cesse désormais de détricoter l'héritage social du Conseil national de la Résistance. Quelle tristesse, soupire le général de Gaulle, qui profite de la présence de Séguin à ses côtés pour se remémorer les années où lui-même exerçait le pouvoir. Je crois avoir été un des hommes les plus détestés de son époque. Ce fut longtemps mon chagrin, c'est aujourd'hui mon orgueil. Je suis républicain depuis que je respire. Et pourtant, j'ai eu le privilège d'avoir été traité de despote oriental par les socialistes. Quant à mes amis, les amis n'aiment pas être fidèles. Ils ont l'impression de perdre leur personnalité. Ils se contentèrent de me taxer d'ambition et d'intransigeance. Deux appellations que je revendique. Passionné par ses souvenirs gaullistes, depuis quelques jours au paradis, Philippe Séguin boit les paroles du général comme du petit lait, à s'en réjouir d'avoir mouru. Mais une question le taquine néanmoins. Après toutes ces années passées si loin de la vie politique, Séguin aimerait savoir si De Gaulle a tout de même conservé certains principes. Ce qui n'a pas varié, c'est ma notion de ce que doit être un chef de gouvernement. Cette notion-là ne variera jamais. Je vous admire. Oh, je ne vous en demande pas tant. Si, si, je vous admire. Voyez-vous, Président, je pense que si la croissance s'arrête de bonne heure, un homme ne cesse jamais de grandir. Ce que j'ai longtemps refusé de comprendre et qui m'apparaît aujourd'hui comme une vérité première, c'est qu'à partir d'un certain degré de réussite, bien sûr, un homme d'État fait abstraction de son orgueil et de ses intérêts personnels pour devenir le prisonnier de la chose publique. Après cette longue discussion républicaine entre ces deux hommes d'État, figure-toi qu'hier soir, le général de Gaulle a eu une drôle d'idée. Primo, ils sont allés rendre visite à leur voisin de chambre, François Mitterrand, devenu un vieux complice du grand Charles, tu t'en doutes. Et l'ancien président socialiste fut très amusé par cette curieuse idée gaulliste. C'est ainsi que, vers 23h30 à peu près, échappant à la vigilance des anges, nos trois lascars se sont enfuis du paradis pour aller rendre une visite de nuit à celui-ci. C'est quoi ce bordel ? Non mais, qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Eh bien, mon ami, en voilà une façon de recevoir. Cette maison a aussi été la nôtre. Ouais, bah maintenant c'est la mienne. Je vais pas me laisser emmerder par des fantômes. Il parle comme un de mes anciens ministres, Bernard Tapie. Alors, c'est la chienlit ici maintenant ? Vous représentez la France tout de même. Non, c'est pas la chienlit, c'est mon style. Direct, franc, efficace. Moi aussi, j'ai une certaine idée de la France. Je crois que vous avez surtout une certaine idée de l'argent et de la réussite personnelle. Ça te plaît pas ? Ah bah, casse-toi, pauvre con. Vous avez vu comment il est arrogant ? Bah, il manquait plus que lui. Mais vous êtes mort aussi, vous? Hein? Ah non, moi j'ai gardé un double des clés. Ça permet de dormir au chaud de temps en temps. Bon, vous avez gagné, j'appelle la sécurité. La nuit à l'Élysée. Quand d'authentiques personnages historiques rencontrent un simple gardien de nuit. Pick me up, hose me down. I'm sorry, boys, about the dirty night clouds. Earth does break the things that we make, like model planes and cupcakes. I can clear dollies from here. They're too far under the barrage this year. Dirty Night Clowns, c'est Chris Garneau, un jeune artiste de la playlist, affublé d'un nez rouge et qui veut qu'on l'aime. Je veux qu'on m'aime. Je veux que tout le monde m'aime. Je t'aime, clown. J'entends mal. Je t'aime, clown. Eh ben voilà, c'est pas plus gentil comme ça. Alors maintenant, après avoir suivi Philippe Séguin, qui a migré vers un autre monde, il est temps à 11h28 de s'intéresser à d'autres migrations. Car tu as sans doute eu écho cette semaine de l'horrible chasse aux immigrés qui s'est déroulée au sud de l'Italie, en Calabre, plus précisément à Rosarno. Du bon gros racisme bien lourd, sans doute surchauffé par la mafia, pour un retour dans un autre immonde. Et justement, cette semaine à l'INA, les voix des fantômes de la radiodiffusion française, eux aussi en avaient marre d'être toujours au même endroit, enfermés dans leur boîte d'archives. Alors, écoute ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard Lhermitte, planqué au cœur de ces sous-sols obscurs et sinueux. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard Lhermitte. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, on en avait marre d'être toujours au même endroit, enfermés dans des boîtes d'archives. Alors, jeudi soir, on a décidé de s'exiler. Mais où aller ? René Cassin avait choisi la France pour ses qualités d'accueil. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. La France, qui a inscrit ce droit dans sa constitution et qui souvent donne refuge à des persécutés de pays voisins, aurait cependant été heureuse qu'on allât plus loin et aurait voulu qu'on déclarât les Nations Unies tenues en accord avec les États membres de procurer l'asile aux persécutés. Mais Hélène Richer hésitait entre le Nord et le Sud, le Sud et le Nord. La migration, c'est du mouvement, une oscillation entre deux pôles, point de départ, point d'arrivée. Les uns, ce sont souvent les puissances occidentales. Les autres, ce sont les autres. Le reste, le tiers-monde. Certains viennent travailler chez d'autres parce que la main-d'œuvre manque et qu'il y a tant de travaux difficiles. D'autres vont voir commencer là-bas, en Afrique ou en Inde, parce qu'ici, tout finit par être trop facile. Ils se croisent, mais se rencontrent-ils vraiment ? Maître Ben Abdullah a insisté pour qu'on se tienne prêt à rendre l'invitation aux habitants du pays où on irait. En ce qui concerne l'Algérie, la migration n'existait pas avant 1830. Elle est intervenue à un moment où le fait colonial s'est exprimé d'une façon particulièrement difficile, cruelle, je dirais, du point de vue économique. Le flux migratoire algérien n'a commencé qu'au moment de la spoliation des terres, au moment où les agriculteurs étaient déplacés de terres agricoles qui étaient fertiles. Et au fond, essayer d'expliquer le flux migratoire des Algériens à partir de 1962 ou 65 est une erreur historique. Ce déplacement de travailleurs algériens vers la France ou vers l'Europe existe encore une fois depuis des décades. Finalement, Yves Montand nous a emmenés dans son pays natal. Quand je suis arrivé à Paris et qu'on m'interviewait, on me demandait où j'étais né, et je répondais à Venise ou Florence, parce que ça faisait bien pour l'exportation. Ce sont des villes qu'on connaît, ça, vous comprenez ? Bon, en réalité, je suis né dans un petit patelin qui s'appelle Monsumano Alto. Et du coup, on a invité des Italiens chez nous. La presse et la radio ont annoncé il y a quelques jours que le gouvernement français s'était mis d'accord avec le gouvernement de Rome pour l'introduction dans notre pays de 200 000 ouvriers italiens. Malheureusement, la France, terre d'accueil, c'est plus vraiment ce que c'était. Salut Samuel, bonjour. Salut Omar, salut Oco. Ça va ? Pas du tout, non. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, tout allait bien, tu sais, j'étais à Paris, j'avais trouvé le boulot que je t'avais dit. Oui. Je travaillais et tout en France, tranquille. Et hier, sont venus les policiers. Oui. Bon, ils viennent, me demandent les papiers, je suis en règle, tu vois. Oui. Et il y en a un derrière qui s'approche, un autre, apparemment le chef, qui dit, monsieur, et les papiers de votre bite, vous les avez ? Qu'est-ce que je prends les papiers de ma bite ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais oui, oui. Votre bite n'a pas de papier ? Ils ont envoyé ma bite en Italie. Oh merde. Oui, dans le premier avion direction Milan. Oh merde. Ils ont envoyé. Merci la France. C'est ça la dignité humaine. Merde. Merci beaucoup Flora Bernard de nous avoir présenté vos papiers sonores avec respect et dignité. Mais il est maintenant temps pour nous de migrer vers nos actualités locales. Voici donc notre décrochage régional, direction Roboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h33, poursuivons notre vol vers Groboul-les-Bains en compagnie de nos deux héros, Jean-Claude le kleptomane et Monique la nymphomane. Car cette semaine à Groboul, comme ailleurs, c'était les soldes et évidemment, il était hors de question pour Elsa, la fille de Monique et Jean-Claude, de manquer l'événement. Bon, en vérité, ce n'est pas tellement que ça lui plaît les soldes, mais toute jeune fille qu'elle est, elle se doit de répondre au clicheton. Bref, Elsa s'est donc rendue au centre commercial de Groboul pour faire ses emplettes. Mais au moment de sortir du grand magasin, ce fut le drame. Votre sac, s'il vous plaît. Ça va pas ? Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà. Permettez qu'on regarde votre sac. Vous voulez regarder mon sac ? Il y a un deuxième sac. Mais où est-ce qu'il est le deuxième sac ? Il y a une autre personne, là. Voilà. Oui, oui, oui. Mais je suis absolument sûre qu'il y a quelque chose. Voilà, bon, on a compris. Bon, parlez un petit peu voir. Eh oui, Elsa s'est fait gauler en train de piquer dans les rayons. Il faut dire qu'en période de solde, avec l'affluence, les vigiles du centre commercial de Grosboul sont sur les dents. N'ayez crainte, messieurs, dames, nous ne sommes pas des flics, hein. Nous ne sommes pas des flics, mais des vigiles. Des vigiles, hein. Oui, oui, oui. Mon bras sermenté à la société SPPA, CPM. CPM. Société de protection pour protéger, et attention, ça peut faire mal. Du calme, je peux l'avoir. Les malfaisants, là, les punks, là, si vous êtes là, faites attention, hein, parce que nous sommes des vigiles. Du calme, Schopenhauer. Ah, on est où, là? Et à trois, je tire. À trois, je tire. Un. Deux et trois. Bon, face à l'implacabilité de ces vigiles, il vaut mieux ne pas chercher à discuter. Elsa accompagne les gros bras et se retrouve dans le bureau des agents de sécurité où débarquent très vite Monique et Jean-Claude qui viennent d'être prévenus. Et devant le directeur du magasin, Monique fait tout pour se donner l'apparence d'une mère éplorée et ultra concernée par l'importance de l'affaire. Ma fille est une voleuse. Ma fille est une voleuse. Ma fille est une voleuse. Et en effet, le directeur du magasin prend aussitôt la parole pour dire combien la sécurité dans son établissement est une priorité. Je n'ai pas été élu pour laisser voler au supermarché. Ah, mais vous avez raison, s'exclame Jean-Claude. Il n'est pas question de tolérer les vols dans les supermarchés. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'a réellement fait Elsa ? Demande aussitôt Monique au directeur du magasin, qui est toujours aussi furax. Non seulement votre fille est une voleuse, mais en plus, elle a gazé le vigile qui l'interpellait. Mais t'es tombée sur la tête, plus chérie, qu'est-ce qui t'a pris ? Il m'a fait peur, j'ai pas fait exprès. En attendant, il a 2 jours d'arrêt de travail. Qu'est-ce qu'elle a volé ? Des barrettes. Des barrettes, des préservatifs, des chaussettes à doigts de oui, pied. On va pas faire l'inventaire. Hein. Monsieur, une mineure, ça se surveille. On a divorcé la semaine dernière, alors. Elle est sous choc, quoi. Hein? Mais tu recommenceras pas. Hein? Elle recommencera pas. Le divorce la semaine passée? Oh, le gros mensonge du Jean-Claude qui cherche à apitoyer le directeur du magasin, pendant que Monique en remet une couche, et c'est du lourd quand la maman paraît. Tu ne peux pas et tu ne dois pas prendre les choses des autres, tu ne serais pas content si on te prenait à toi, tes affaires. Il faut absolument que tu t'en corriges et surtout que tu commandes tes mains. Quand tu as envie de voler, mets-les derrière ton dos. Et quand tu rentreras à la maison, tu me diras, maman, j'ai gagné sur mes mains qui voulaient prendre quelque chose. Il faut absolument taper sur la main voleuse, en disant, je suis sûre que toi, tu t'es laissé avoir par ta main qui a fait comme une main de chien, qui a ramassé, comme si ta main était une gueule qui ramassait n'importe quoi. Et il n'est pas question, un homme, une fille, une femme, ça doit commander ses mains. On doit commander ses mains. Voilà ce que Monique aurait également pu conseiller à certains vigiles qui jouent un peu trop les cow-boys. Et Monique continue à sermonner Elsa. Elle lui explique maintenant que le vol, ce n'est pas la meilleure méthode pour obtenir tout ce que l'on désire. Non, il est possible de le faire autrement, pas en volant, mais tout simplement en se faisant voler. Dans notre société, consommer, c'est facile, on peut tout acheter. Un frigo ou une île, si t'as pas la monnaie, tu empruntes à la banque. On va pas se priver si quelque chose nous manque. La télévision et son magnétoscope. À crédit. À crédit. Le réfrigérateur, la loge, le caméscope. À crédit, à crédit. Le four à micro-ondes. Le séchoir électronique. Le cuitoir à vapeur. Et le shaker électrique. À crédit, à crédit. Jean-Claude et Monique chantent en effet de concert les louanges de la vie à crédit dans cette belle société de consommation à outrance. Sauf que voilà, Elsa a bien réfléchi à son vilain geste et elle en tire une morale bien différente. Cette société n'est qu'une enclume, elle nous fait courir après le fric qui taille ses déplumes. Dans cette course au succès, je crois que l'on côtoie l'enfer. Ma sœur, mon frère, on est aussi des enfants du désert. Et on a tous un rôle à jouer sur terre. Donc je suis sorti de ma bulle. J'ai pris le temps de regarder l'Afrique et de contempler la lune. Cette société n'est qu'une enclume. J'ai couru après le fric qui t'a laissé ma plume. Dans cette course au succès, je crois que j'ai connu l'enfer. Ma sœur, mon frère, je préfère que ça parte aux enfants du désert. Car je n'emporterai rien sous terre. Et voilà, Elsa a compris qu'elle n'emportera rien sous terre. Et d'ailleurs, elle n'emportera rien non plus à l'extérieur du centre commercial de Grosboule-les-Bains. Car depuis cette affaire, le directeur du magasin... Je n'ai pas été élu pour laisser voler au supermarché. Le directeur du magasin, donc, a recruté une nouvelle équipe de vigiles, de vrais malabars. Bon, vu le volume musculaire, pas besoin de dire qu'on est de la sécu. Hein, on a créé une société de gardiennage spécialisée dans... La bagarre la sécurité rapprochée des personnes et des biens. Tous les deux, je dirais, on forme le trio idéal, hein, tant en efficacité qu'en rapidité. Hein. Nous avons, je dirais, officiers dans des établissements de nuit. Nous, ce qu'on aime avant tout, hein, c'est... La bagarre. L'ordre et les petits tubes. Enfin, ça, c'est, c'est autre chose. Disons, je dirais, dans cette profession, on a une certaine philatélie du métier. Pour nous, ce n'est pas seulement... La bagarre. C'est aussi la communication. Donc, si vous avez besoin de... La bagarre. Nos services, bah veuillez nous contacter. Ah, prends-le, là, parce qu'il m'énerve, là. Je sais pas ce qu'il cherche, là. Contactez-nous. Bien. Comment dire? C'est vrai que parfois, les vigiles ont tendance à aimer... La bagarre! Arrête, Modine. On peut pas dire ça. Attends, c'est le service public, ici. La bagarre! En général, donc, les vigiles cherchent avant tout la bagarre. Bon, bah, ça suffit, arrêtons de généraliser. Il y en a aussi qui font très bien leur boulot, bon sang. Bref, toujours en direct du Manche à Palace à 11h41, il est temps désormais, bien sûr, de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans le dictionnaire imaginaire de Monsieur Julien Dugast, l'anglicisme qui compte triple, c'est First Lady. La bagarre! Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que mercredi prochain, le 20 janvier, il y aura tout juste un an que le couple Obama est entré à la Maison Blanche. Alors bien sûr, on a déjà dressé de nombreux bilans quant aux actions de monsieur. Mais qu'en est-il de madame? Oui, après 12 mois dans son costume de première dame, que peut-on dire de Michelle Obama? Ainsi, par le truchement de Thomas Negaroff, historien spécialiste des États-Unis du XXe siècle, découvrons ensemble, juste après la virgule, ce qu'est la First Lady. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. Six consonnes, trois voyelles. Ah. First Lady. Woodrow Wilson, président au début du XXe siècle, dans les années 10, avait dit de sa femme que c'était son petit partenaire. Quoi. Et donc ça a effectivement toujours été une personnalité importante. Donc la First Lady, c'est la femme du président américain qui joue un rôle de stabilisateur, qui est souvent d'ailleurs, le président souvent dit qu'il est seul à la Maison Blanche et la personne à laquelle il peut se confier le plus, c'est sa femme, donc la First Lady. C'est une femme extrêmement physique, elle fait plus d'1m80, elle montre ses bras, enfin, il y a un rapport au corps qui est assez nouveau. En revanche, sur sa première année à la Maison Blanche, on est plutôt sur quelque chose d'assez classique. C'est un peu la mom in chief, la maman en chef. Elle amène ses enfants à l'école, elle passe beaucoup de temps avec son mari, ce qui n'avait pas été le cas depuis très longtemps d'ailleurs, elle le dit avec beaucoup d'émotion. C'est quelque chose d'assez classique, elle a fait assez peu de politique. La Maison Blanche l'a transformée, elle n'a pas en revanche transformé la fonction de First Lady parce qu'elle s'incarne finalement, elle s'intègre bien dans cette définition. Deux Américains sur trois font confiance à Barack Obama et Michelle est encore plus appréciée que lui. Un sondage Washington Post ABC News publié aujourd'hui montre que la première dame bénéficie de 78% d'opinions favorables. Républicains comme démocrates aiment cette femme du peuple, brillante et au grand cœur. Il nous a fait beaucoup rire en parlant du président, enfin de Barack Obama, qui n'était pas encore président, qui ronflait, de ses chaussettes qui puaient, du fait qu'il soit incapable de ranger le beurre dans le frigo. Elle a commencé assez fort. Oui, c'est vrai, elle a cassé une distance. Ça, c'est clair que Michelle Obama a cassé une distance avec la figure présidentielle. Même, elle le taquine beaucoup en interview. À chaque fois, elle lui lance des petites piques en disant « Tiens, je suis encore amoureuse de toi, on ne te voit pas beaucoup à la maison, il faudrait que tu sois un peu plus à la maison. » D'ailleurs, il paraît que pendant la campagne présidentielle, il y avait une sorte d'accord tacite entre eux qui disait que le vendredi, il fallait qu'il soit à la maison. Il faisait campagne, mais le vendredi, il s'occupait de ses enfants. Mais voyons, Michelle, tu sais bien que j'ai toujours les Kinder chocolat pour calmer les enfants. Regarde, Michel. Et le calme est revenu. Les enfants aiment Kinder chocolat. Et nous aussi. Est-ce qu'il y a une compétition entre Carla Bruni et Michelle Obama, à savoir sur laquelle sera la plus jolie? Je crois que les médias, au moment du G20, quand elles sont apparues toutes les deux, parlaient que de ça. Est-ce qu'il y a cette compétition-là? Alors, pour Michelle Obama... J'en doute. Elle est certainement plus intelligente que ça. Même si c'est vrai qu'elle a remis au goût du jour le cardigan, les bras, etc. À l'air libre. Bon, ça c'est vrai. Les médias américains en ont beaucoup parlé de la rivalité entre les deux hommes, puis entre les deux femmes. Entre les deux hommes, je crois que c'est assez vite fait. Entre les deux femmes, effectivement, il y a peut-être un petit duel. Mais c'est une histoire de médias, je crois plutôt. Ça va énerver Carla Bruni, ça. Probablement. Vous ne seriez pas jaloux, monsieur le président? Oh, jaloux de quoi? Vous avez vu sa femme, comment elle est moche? Bon, elle est pas moche. Si, elle est moche, sa femme. Elle a jamais été mannequin. C'est bien la preuve qu'elle est moche. Alors que Carla, elle est super belle, tellement elle est mannequin, tellement elle met des belles robes, tellement c'est ma femme. Et quel est le rapport? Elle s'est chantée, la femme du génie Obama, là. J'en fais rien. 1 million d'albums, elle a vendu, Carlita. Tellement elle chante bien, tellement elle joue bien de la guitare, tellement elle a le rythme dans la peau. Alors, quant à moi, je prends mes 3 T et mes 3 X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Il faut ajouter que Michelle Obama entretient également un potager bio dans les jardins de la Maison Blanche. D'ailleurs, nous avons vu de nombreuses photos avec son pied sur la bêche. Eh bien, figure-toi que Michelle va sans doute faire son entrée en politique par le biais des légumes. Car dans les mois qui viennent, elle a pour ambition de concrétiser son combat contre la malbouffe avec une loi qu'elle espère faire passer afin de lutter contre l'obésité qui touche à peu près 17% des mômes américains. Et franchement, il y a du boulot. Parce que certains ont tenté d'authentiques expériences, eh ben, ça fout la trouille. Pendant un mois, j'ai mangé au McDo. J'ai pris 11 kilos. Mon foie est devenu gros et mon cholestérol a grimpé de 0,65 g par litre. Ma graisse corporelle est passée de 11% à 18%. J'ai doublé les risques de maladies coronariennes. Je suis 2 fois plus menacé par la crise cardiaque. Je me suis senti déprimé et épuisé. Mon humeur était variable et ma vie sexuelle était inexistante. J'avais de plus en plus besoin de ces menus et j'avais des migraines quand je ne mangeais pas. Ma dernière analyse indique des progrès, mais les médecins sont loin d'être optimistes. Sur Terre, il y a des gens, c'est drôle, qui possèdent un tic nerveux. Il y en a qui haussent les épaules ou qui clignent des yeux. Moi, je suis un phénomène, car au lieu d'un tic seulement, j'ai chaque jour de la semaine un tic différent. Le lundi, je fais comme ceci. Le mardi, je répète sans répit. Le mercredi et le jeudi, ça c'est régulier. Mon gosier sort ce cri singulier. Le vendredi, je fais sans le vouloir. Le samedi, je fais matin et soir. Et le dimanche, c'était printemps. Je les fais tous. En même temps. Vous croyez que c'est pas terrible ce machin-là? Oh. Tenez, je vais vous expliquer l'origine de mes tics. Hein. Eh bien, le premier, par exemple, là, le. Hein. Eh bien, quand j'étais tout petit, figurez-vous, je ronflais. Et ça m'est resté, alors je fais tout le temps. Hein. Le deuxième, le. Hein. Eh bien, ça, c'est aussi quand j'étais tout petit. Eh bien, ma maman, elle avait des grandes difficultés à me faire faire mon petit pipi. Alors, elle me faisait tout le temps. Ça, ça. Le troisième, le. Hein. Oh, ça, j'avais une petite sœur, elle s'amusait à me faire peur. Elle se cachait dans les coins, puis elle me faisait. Ouh. Alors, moi, je faisais. Le quatrième, le... Ah, oh, ça, c'est une autre histoire. Alors, mon père, il avait un âne, et cet âne, il était têtu comme un mulet. Il voulait pas avancer. Alors, on le tirait par la queue, il se fâchait, il faisait... Et le dernier, le... Eh ben ça, j'avais un petit chat, c'est moi qui lui faisais des blagues. Je lui courais après, je lui attachais des casseroles après la queue, et il se retournait, il me faisait... Et voilà. Comme il y avait une place vacante, un pilon exceptionnel, pour l'avoir, je me présente chez mon colonel. Il me dit d'une voix polie, mon garçon, vous me plaisez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, j'y ai répliqué le lundi, je fais comme ceci. Le mardi, je répète sans répit, ça, ça. Mercredi et le jeudi, ça c'est régulier. Mon gosier sort ce cri singulier. Le vendredi, je fais sans le vouloir. Le samedi, je fais matin et soir. Et le dimanche, c'était printemps. Je les fais tous. En même temps. Je viens de faire un beau mariage avec une jeune fille très bien. Mais dès que je suis en ménage, sur elle je déteins. Et le soir quand ses caresses, ses baisers me font de l'effet. Tous les deux avec ivresse, savez-vous ce qu'on fait? Le lundi, on fait comme ceci. Le mardi, on répète sans répit. Ça, ça. Le mercredi et le jeudi, ça c'est régulier. Notre gosier sort ce cri singulier. Le vendredi, on fait sans le vouloir. Le samedi, on fait matin et soir. Et le dimanche, c'est on les fait tous. Au même temps. Mais tic, voilà ce dont souffrait le chansonnier Ouvrard en 1939, des mouvements convulsifs caractéristiques du meilleur comique troupier. Il y a d'abord des mimiques du visage qui sont les mimiques d'un acteur, d'un grand acteur de cinéma. D'ailleurs, je me demande s'il ne s'est pas trompé de voix en étant président. Il gagnerait beaucoup plus d'argent à Hollywood qu'à l'Élysée. Oui, d'ailleurs, vous le comparez, je ne sais pas si c'est une gentillesse, oui, à Louis de Funès. Alors maintenant, Cruchot, à 11h50, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Manchin Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade? Eh bien, cette semaine a été pleine de rebondissements et la presse a consacré avec raison une grande part de son attention au dramatique tremblement de terre qui a secoué Haïti. D'ailleurs, le quotidien Le Monde nous propose ce week-end le témoignage de l'écrivain canadien d'origine haïtienne, Denis Laferrière, Danny Laferrière, primé d'ici 2009 et qui se trouvait dans sa ville natale de Port-au-Prince au moment du séisme. Alors, c'est poignant hein, parce qu'à côté de l'horreur vécue et raconté, Dany Laferrière ne peut s'empêcher d'offrir une analyse intelligente et il conseille par exemple d'abandonner certains discours stéréotypés du genre parler de pillage. Vous voyez, dans une ville détruite, on fouille dans les décombres pour trouver de l'eau, de la nourriture. Relativisons oui, certains pillages, oui, ou encore dire que Haïti est un pays maudit. Ah ça, on l'a entendu, hein, on l'a entendu. Et Dany Laferrière explique qu'il faut cesser d'employer ce terme de malédiction parce que c'est un mot insultant qui sous-entend qu'Haïti aurait fait quelque chose de mal et qu'il le paye. Eh oui, hein, c'est lourd de sens. Problème, ben voilà. Et alors justement, l'écrivain n'a pas tort, car Libération cette semaine rapporte les propos de part Robertson. Ah, lui, il est merveilleux. Il est bon, hein. Ah, il est merveilleux, lui. Alors, vous voyez ce que c'est, un bon télévangéliste. Ouais, enfin, bon, voilà, un gros businessman bien réac, hein. Ah, oui. Et qui utilise la religion pour se faire du pognon. Alors, il a expliqué mercredi sur CBN pourquoi, d'après lui, il y a eu ce tremblement de terre. Alors, il explique. Il y a très longtemps, Haïti, les Haïtiens étaient sous la botte des Français. Napoléon III et tout ça, il dit. Bon, alors, Philippe, on passe hein, les petites erreurs historiques de ce pot de fiel cubéni, mais qui explique ensuite que pour faire partir les Français, les Haïtiens ont fait un pacte avec le diable. Et voilà, et depuis, ils payent. Alors écoutez, Philippe, j'ai jeté un coup d'œil sur les commentaires relatifs à cette info sur le site de Libération.fr. Et c'est super intéressant. Bon, évidemment, il y a tous ceux qui sont à juste titre scandalisés. Mais à côté de ça, j'ai relevé 3 grands types de remarques pour savoir qui était responsable du séisme. Alors, premier type, hein, dans cette typologie, il y a ceux qui disent que, ben ouais, c'est le diable. Oui, c'est vrai. Il y en a qui sont à fond là-dedans. Alors ensuite, il y a tous ceux qui rappellent que la pauvreté du pays trouve ses origines dans l'indemnité réclamée par Napoléon Ier pour reconnaître l'indépendance. Il avait demandé beaucoup de sous et qui a été d'ailleurs payé jusqu'au bout. Donc ce n'est pas la faute du diable, mais plutôt de Napoléon. Oui, non, le diable. Voilà. Enfin, attention à ce que vous dites, enfin, parce que vous allez voir la suite. Et enfin, troisième titre, je lis. Tiens, je croyais que c'était la faute à Sarkozy. Je vous jure, il y en a qui a... Ils sont taquins, les gens. Hein. Bon, Philippe, quittons immédiatement notre hyper-président. Laissons-le tranquille un peu pour nous intéresser à ses opposants officiels. Enfin, les socialistes. Voilà, parce que là, on peut parler de malédiction. Hein. Bon, déjà, le canard enchaîné de cette semaine félicite l'audace des propositions avant-gardistes de Martine Aubry, qui vient de ressortir la 80e des 110 propositions du candidat François Mitterrand en 81. Voilà, une loi en faveur de la participation des étrangers aux élections locales. Bon, bah, oui. Hein, vaut mieux tard que jamais. Oui. Bon, oups, Éric Besson, hein, toujours prompt à souffler le chaud et le froid, avait fait la même proposition 2 jours plus tôt. c'est ballot. Voilà, et bon, d'ailleurs, en parlant de Besson et des socialistes, Philippe, vous avez vu ça, hein, toute la presse se déchaîne contre Vincent Peillon, oui. Socialiste, député européen, et qui, jeudi, a posé un lapin à Arlette Chabot. Oh, voilà. Vincent, il était attendu sur le plateau de l'émission À vous de juger sur France 2. Alors, le matin même, il avait confirmé. Il avait envoyé un texte. Il dit : ouais, Arlette, on se voit ce soir, c'est cool. Bon, bah, Arlette, elle s'était fait belle. C'est toute la journée et tout. Vlan, il annule quoi, ça. Il prévient là pendant l'émission, quoi. En plus, Vince, il demande la démission d'Arlette. Bah, ah non, mais c'est un vrai teen movie, hein, le truc. Hein. Twilight à côté, c'est rien du tout, quoi. Bon, et voilà, maintenant, il s'en prend plein la tronche. Bon, alors, en partie pour avoir refusé ce débat un peu rance. Hein. Bien sûr. Et puis, surtout pour la méthode. Bien sûr. Voilà, alors, Philippe, pour ma part, j'ai bien essayé de regarder dans la presse si je pouvais pas trouver un petit truc pour aider les socialistes. Alors bon, le Parisien nous apprend qu'un brise-glace a été remis en service cette semaine sur les canaux de la capitale. C'est bien ça, un brise-glace pour faire avancer, bon... En fait, c'était pour éviter que les gogos jouent à Holiday on Ice et terminent comme Jack Dawson à la fin de Titanic. Ouais, voilà. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Si, il y a l'agence France Presse qui nous apprenait en début de semaine qu'une femelle hippopotame s'est échappée du zoo de Plavnitsa au Monténégro. Bon, les socialistes, ils ont déjà du mal avec... d'autres pachydermes. Bon, voilà, sinon... les éléphants, GPS. Oui, voilà, sinon... toujours en quête d'une idée pour les aider, ces socialistes. Le quotidien paraguayen La Nation, du 13 janvier dernier, raconte le chantage de l'armée du peuple paraguayen, une organisation d'extrême-gauche qui a enlevé, il y a près de 3 mois, Fidel Zavala, un riche éleveur. Eh bien, les ultra-gauchistes ont obtenu du frère de leur otage qu'il sacrifie 30 bœufs et qu'il distribue la viande aux habitants des quartiers pauvres. Voilà, donc c'est impressionnant hein, de voir ces monceaux de bidoches et puis bon, la queue des gens qui viennent t'en profiter. Ça fait frémir la bourgeoisie paraguayenne, ça c'est sûr. Bon, je ne sais pas si ça peut les aider, les socialistes. Ah si, une autre idée, Philippe. Sur le site internet de la BBC, on trouve cette information. Lundi dernier, le père David Parrott, qui officie à la City à Londres, a ressorti une vieille tradition où les prêtres bénissaient les outils de travail de leurs fidèles. Ça se passait le premier lundi après l'épiphanie. Voilà, donc lundi, David Parrott a béni des téléphones mobiles et des ordinateurs. Et là, il présentait tous ces trucs. Là, c'est sans doute une bénédiction pour conforter leur bonus. Je pense que voilà, c'est une piste. Hein. Philippe Vincent Peillon aurait pu facilement faire bénir son outil de travail. Il aurait simplement suffi de laisser une chaise vide. Merci, monsieur Maudit, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 188e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique, Omar Japalas, c'est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Maudit. Un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Jean-Philippe Jeanne et d'Alain Armstam. Merci beaucoup à vous deux, c'était nickel. Et pour la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Elsa Denac. Pour les scuds, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie vivement. Merci aussi à Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, ainsi qu'au documentaliste de l'INA. Et merci à Lucie Lerat, notre nouvelle stagiaire. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, La Panique au Mangin Palace possède un site internet savamment ripolliné sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter après le flash. Vous retrouvez Marie-Pierre Planchon pour sa propre recette du crumble. Allez, prenez soin de vous. On se retrouve le week-end prochain à 11h et en direct sur France Inter pour de nouvelles aventures. Archi Loufoque et Total Foutraque, bien sûr. Mais en attendant d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, ne lâchez rien. Ciao.